Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'est l'une des histoires les plus étonnantes du moment. On sait que les pipelines existent et qu'ils servent notamment à transporter du pétrole, le pétrole étant essentiel à nos économies, ça c'est une première certitude. On sait également que les attaques informatiques existent et qu'elles peuvent déstabiliser nos économies, c'est la seconde certitude. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que des hackers altruistes, hein, je mets ce terme entre guillemets, pouvaient attaquer un pipeline et déstabiliser à la vitesse d'Internet l'économie américaine. C'est ce qui s'est passé avec le Colonial Pipeline, attaqué le 7 mai dernier par des hackers, surnommé DarkSide, et c'est le Super Fail que je vais vous raconter. Un début de panique. Du sud des États-Unis jusqu'à la côte est, les automobilistes américains se ruent sur leurs stations pour remplir leurs réservoirs et faire des réserves. La cause, ce gigantesque oléoduc à l'arrêt. Il achemine le pétrole du Texas jusqu'aux portes de New York sur 8900 km avec toutes ses ramifications. Essence, kérosène pour avions, cet oléoduc contribue à la moitié des approvisionnements de la côte Est. Mais samedi dernier, ces systèmes informatiques ont été la cible d'une attaque venue de l'étranger. La crise est remontée immédiatement à la Maison-Blanche. Mon gouvernement prend cette affaire extrêmement au sérieux. Et j'ai été personnellement tenu informé chaque jour depuis l'attaque. Alors pour comprendre le vent de panique qui a soufflé sur les États-Unis au début du mois de mai, je suis allé interroger Francis Perrin, il est directeur de recherche à l'IRIS, il est spécialiste des problématiques énergétiques et il nous explique pourquoi la mise à l'arrêt de cet oléoduc a eu de telles conséquences. Le pétrole est une énergie essentielle aujourd'hui puisque c'est l'énergie la plus consommée dans le monde. Il faut donc que nous ayons une production de pétrole, mais il ne suffit pas de produire. Il faut relier les zones de production aux zones de consommation. Et pour cela, il y a un échelon clé qui s'appelle le transport. On pourrait évidemment le faire par camion-citerne, mais on ne transporte pas beaucoup de pétrole, donc c'est beaucoup moins intéressant en termes de quantité et en termes économiques. On peut le faire par bateau, mais cela suppose évidemment qu'il y ait une façade maritime, ce qui est le cas, mais qui n'est pas le cas partout. Donc on a besoin absolument du transport de pétrole et de produits raffinés par des conduites qu'on appelle des oléoducs ou des pipelines qui sont essentielles dans le système pétrolier mondial et au niveau évidemment d'une région ou d'un pays pris isolément. Bon, mais pourquoi le Colonial Pipeline est-il si important? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pipelines aux États-Unis? Dans un pays comme les États-Unis, qui sont un pays pétrolier depuis environ 160 ans, il y a un ensemble, un réseau de pipelines et non pas seul pipeline. Mais dans un réseau, toutes les composantes sont importantes et certaines composantes sont plus importantes que d'autres. En ce qui concerne ce fameux oléoduc, donc géré par la société Colonial Pipeline, on est quand même sur à près de 9000 km de conduite, donc c'est tout à fait considérable. Et cet oléoduc de Colonial Pipeline relie donc la région du Golfe du Mexique, une importante région de production pétrolière aux États-Unis et de production de produits raffinés, et remonte tout au long de la côte Est. On estime que pour les produits raffinés, notamment les carburants, automobiles et avions, Colonial Pipeline représente à elle seule, l'entreprise et ce qu'elle transporte, à peu près 45% de l'approvisionnement de la côte Est des États-Unis en produits raffinés. Donc lorsque ce pétrole a été mis à mal par cette cyberattaque il n'y a pas si longtemps, eh bien ça a été une perte sèche extrêmement importante et ça a créé des pénuries de notamment de carburant le long du parcours de cet oléoduc tout à fait considérable. Alors voilà, maintenant il faut essayer de comprendre comment on peut hacker une société qui exploite un pipeline. Qu'est-ce que ces hackers ont fait? Et pour tenter de le comprendre, on va écouter un spécialiste, Guy Philippe Goldstein. Il est consultant en cybersécurité pour la société Wikistrat. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'affaire Colonial Pipeline? Les systèmes ont été arrêtés par l'entreprise elle-même. Pourquoi? Parce que les systèmes qui ont été attaqués, ce n'étaient pas les systèmes industriels eux-mêmes de gestion des flux dans le pipeline, c'était cette informatique généraliste, cette bureautique que vous et moi nous utilisons. Bon. Sauf que cette informatique-là, elle est utilisée pour la facturation de ces éléments pétroliers qui sont envoyés dans le pipeline. Et quand on peut plus facturer le client, eh ben on est en fait obligé de stopper la production, en particulier lorsqu'on est dans des marchés de l'énergie aux États-Unis où les choses doivent être très précises dans le temps également d'ailleurs et dans les volumes qui sont envoyés parce que en fait on a plusieurs centaines de clients. Donc faut faire très attention à ça et si on n'est plus capable de gérer cet élément de facturation et derrière de comptabilité, eh ben on est un peu bloqué et on est obligé de stopper temporairement l'organisation et l'activité. Il y a aussi une raison technique qui fait qu'aujourd'hui, ces deux mondes qui normalement ne devaient pas communiquer, à savoir à nouveau ce monde de l'informatique générale, de l'IT, de la bureautique, celle que nous utilisons, et puis ce monde de ce qu'on appelle OT, Operational Technology, donc ce monde des logiciels et des systèmes de contrôle industriel qui est très particulier, eh bien on se rend compte en fait que parfois il y a des points de passage et donc qu'une attaque informatique qui commence par l'IT peut entrer dans l'OT. Et ça, c'est pas théorique. Il y a eu une alerte du CISA, qui est l'équivalent américain de notre Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Eh bien, ce CISA, en février 2020, a fait passer une alerte comme quoi, effectivement, dans l'univers des pipelines, alors là, c'était le cas d'un pipeline pour envoyer des flux de gaz naturel, eh bien, il y a eu ce moment de passage où on a vu une attaque qui était entrée via le monde de l'informatique bureautique, email, qu'il faut pas cliquer et qu'on clique, et qui avait pénétré ces systèmes d'operation technology, ces systèmes industriels. Alors, il n'y avait pas eu de prise de contrôle des systèmes qui permettent de décider, tiens, j'ouvre une vanne, tiens, je contrôle tel élément, ce qu'on appelle les contrôleurs logiques programmables. Mais, par contre, il y avait bien eu prise de contrôle de certains éléments d'information, d'objets connectés qui produisaient de l'information qu'on avait pu chiffrer et donc on avait stoppé ces éléments d'information. Et là, on voit bien la fragilité de ces systèmes industriels parce que même si je continue à garder le contrôle sur le bouton rouge, si j'ai pas l'information précise de l'ensemble de l'environnement qui me permet de dire est-ce que je suis toujours dans un environnement où il n'y a pas de problème de sécurité, est-ce que je suis toujours dans un environnement qui est fiable, et ben si j'ai plus l'information parce que tout d'un coup il y a des bouts d'information qui ont été chiffrés et j'ai plus le contrôle, et ben par sécurité je vais stopper la machine. En échange du rétablissement de ce système, les hackers ont exigé et semble-t-il obtenu une rançon de 5 millions de dollars ou 75 bitcoins pour obtenir des pirates la clé permettant d'accéder de nouveau à leurs données. Nous sommes apolitiques. Nous ne participons pas à la géopolitique. Nous ne sommes pas liés à un gouvernement spécifique et sommes motivés par autre chose. Notre objectif est de faire de l'argent, pas de créer des problèmes sociaux. À partir d'aujourd'hui, nous introduirons de la modération et nous étudierons chaque entreprise que nos partenaires veulent crypter pour éviter les problèmes sociaux dans le futur. Derrière cette attaque, il y a donc cet étrange groupe de hackers, le groupe DarkSide, qui, après avoir été identifié donc comme étant à l'origine de ce piratage, a présenté ses excuses publiques sur son site internet. Écoutons Julien Nocetti, il est directeur de la chaire cybersécurité à la Rand School of Business. Écoutons-le nous présenter cet étrange groupe de hackers. Alors c'est un groupe récent, parce qu'il est entré en activité il y a à peu près un an. Il s'est rapidement fait connaître dans le domaine des rançons logicielles. Il compte depuis un an d'assez nombreuses victimes. Et il a surtout connu une trajectoire ascendante sur le plan financier. Parce que les estimations chiffrent les gains de DarkSide à environ 60-70 milliards de dollars au cours des 7-8 premiers mois de son existence, donc ce qui est tout à fait colossal. Il faut bien comprendre aussi qu'on a affaire à une véritable démarche d'entreprise, sans nier bien évidemment le versant criminel de DarkSide, mais DarkSide a un centre de presse, ils ont une communication très visible, très, très, très assumée, ils possèdent même une ligne d'assistance aux victimes. Donc ça, c'est un premier élément de paradoxe. Le deuxième élément de paradoxe, c'est là aussi cette espèce de revirement dans la communication de DarkSide. Parce que le groupe ensuite, après avoir annoncé la paralysie de ses propres serveurs publics, notamment son blog, son système de paiement pour les rançons, le groupe a opéré un revirement et a déclaré qu'au fond, il était apolitique, qu'il n'était pas lié à un gouvernement précis. et qu'il ne souhaitait pas causer de problème pour la société. Bon, ce qui est tout à fait cocasse quand on sait que dans le cas de l'affaire Colonial Pipeline, ce ransomware a eu pour effet notamment d'entraîner une augmentation des prix du pétrole pour les consommateurs américains. Alors ensuite, la question c'est de comprendre comment ce hackage de ce pipeline a pu si vite faire augmenter les prix et provoquer la panique que l'on sait. Réponse du spécialiste Francis Perrin. Cette cascade est liée à l'importance de cet oléoduc géré par Colonial Pipeline qui dessert toute la côte est des États-Unis, une zone où on consomme beaucoup d'énergie et beaucoup de pétrole, mais on n'en produit pas forcément beaucoup et on n'a pas forcément beaucoup de raffineries. Parce que cet oléoduc de Colonial Pipeline ne transporte pas du pétrole brut, mais des produits raffinés. Mais c'est ça qui intéresse le consommateur. Quand on regarde la côte est des États-Unis en termes de raffinage, on voit qu'il y a des raffineries dans le sud, donc du côté du golfe du Mexique évidemment. On voit des raffineries dans le nord des États-Unis, du côté de la côte est. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose. Et ce qui fait que, à ce moment-là, lorsque cet oléoduc est tombé, a dû être arrêté du fait de cette cyberattaque, toute une partie des marchés américains, le long de la côte est, notamment au centre de l'est des États-Unis, étaient complètement privés d'approvisionnement en carburant, et n'ayant pas de raffinerie, ne pouvaient pas produire eux-mêmes ces carburants pour les marchés locaux et régionaux. Donc ça a eu un impact immédiat. En termes de pénurie, on a vu dans les images à la télévision et ailleurs sur Internet ces files de stations-service imperturbables. Et quand on arrivait, c'était hors service parce qu'il n'y avait plus de carburant pour tout le monde. Des automobilistes qui s'énervaient, la panique, etc., la tension et l'augmentation des prix. Les prix de l'essence dans cette zone des États-Unis sont montés à un niveau le plus élevé depuis plusieurs années du fait de cette panne, panne évidemment liée non pas un incident technique, mais une cyberattaque de Colonial Pipeline, qui est donc un opérateur extrêmement important dans cette partie des États-Unis. Le paradoxe du pétrole, c'est que c'est une matière première très stratégique, sans doute la plus stratégique au monde, et en même temps, c'est une matière première qui est cotée sur un marché ou une bourse de marchandises, une bourse de matières premières, comme est coté le blé, le maïs, le gaz naturel, l'aluminium, comme sont cotées des monnaies, comme sont cotées des actions. Donc il y a des bourses, notamment à Londres, à New York, à Singapour, pour prendre des places financières les plus importantes, sur lesquelles ont écoté le pétrole, certains produits raffinés dérivés du pétrole, du gaz naturel, des ressources agricoles, des ressources minières. Et donc ce sont des matières premières ou commodités cotées sur des marchés qui obéissent donc à la loi de l'offre et de la demande, avec des phénomènes également de spéculation de la part d'acteurs financiers qui s'intéressent à ces marchés, non pas parce qu'ils s'intéressent au pétrole, ce ne sont pas des compagnies pétrolières, ce ne sont pas des pays producteurs de pétrole, ils s'intéressent au pétrole ou à d'autres matières premières parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent. Et on va donc avoir des masses de capitaux qui vont se déplacer sur des marchés de matières premières, surtout dans un monde où les taux d'intérêt sont très bas, souvent même à zéro, souvent même négatif. Donc pour gagner de l'argent en plaçant son argent sur les marchés financiers, il n'y a pas grand-chose. Donc on cherche, pour certains investisseurs et spéculateurs, d'autres classes d'actifs. Et les commodités, les matières premières, apparaissent comme pouvant dégager des rendements intéressants, non seulement pour des acteurs industriels, comme des compagnies pétrolières, mais pour des acteurs financiers qui vont investir dans le pétrole ou dans le blé ou dans l'aluminium, comme ils investissent dans le dollar ou dans des obligations, dans des actions. Une histoire finalement assez inquiétante. Nos sociétés sont beaucoup plus vulnérables qu'on ne le croit. L'omniprésence des systèmes informatiques un peu partout crée autant de fragilités et ces fragilités menacent immédiatement l'organisation même de nos existences. Superfell a été piétiné à la réalisation par Vivien Demeyer et Massimo Bellini, gâché à la technique par Emmanuel Morse-Duncan et dévasté à la production par Juliette Deveau. Superfell.